Non mais vas-y Manu. Allez parti. Allez, Ti, il est là Ti? Attends, il s'est reconnecté. Ok Ti, you can replay your chords and I try to sing. Isabelle, on va faire un truc. Thank you. Thank you.